Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un drame humain, contemporain et désormais récurrent, une usine qui ferme alors qu'elle fait des bénéfices. Nous sommes au printemps 2017, en pleine campagne présidentielle. Les salariés bientôt licenciés travaillent chez Whirlpool, à Amiens, la ville du candidat Emmanuel Macron. Et c'est sur le parking de cette usine que s'est jouée l'une des batailles de la campagne entre le candidat d'En Marche et celle du Front National, Marine Le Pen. Lieu de lutte et de promesses, l'avenir de l'usine n'a pas quitté les unes des journaux. L'été dernier, malgré les aides et le soutien de l'État, le repreneur du site a mis la clé sous la porte. Évoquer cette histoire, c'est parler de la mondialisation et de ses effets pervers, du temps d'après, également après les luttes, après le départ des machines, des caméras et des candidats. Que deviennent ceux qui ont tout perdu? L'aide a-t-elle été à la hauteur des annonces? Que cache-t-on derrière le mot « reprise » ? Pour illustrer cette histoire, vous entendrez notamment des extraits d'une enquête pour envoyé spécial de Laure Polez et Olivier Sibille, qui était à Amiens au printemps 2017. Vous entendrez également, et surtout, le reportage de Sophie Hoffmann de France Inter pour Affaires Sensibles. Elle est allée à la rencontre d'une ancienne salariée de l'usine. Quant à notre invité aujourd'hui, c'est l'avocat des ex-salariés de Whirlpool, maître Fiodor Rilov. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Février 2017, salle Pleyel, cérémonie des Césars. Lauréat du meilleur film documentaire cette année-là, Merci Patron, de François Ruffin. Mon film, il parle d'une usine qui part en Pologne et qui laisse derrière un paquet de misère et un paquet de détresse. Et au moment où je vous parle, c'est une usine d'Amiens qui s'appelle l'usine Whirlpool à Amiens qui fabrique des sèches-linges, qui subit la même histoire. Il y a 15 ans, j'étais déjà à Amiens et c'était le lave-linge qui partait en Slovaquie. J'ai connu Continental qui est parti en Roumanie, Paris Siège de France parti en Roumanie également, Goodyear parti en Pologne. Ça fait maintenant 30 ans que ça dure dans l'ameublement, dans le textile, dans la chimie, dans la métallurgie et ainsi de suite. Pourquoi ça dure comme ça depuis 30 ans ? Ça dure comme ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés. Et donc on n'en a rien à foutre. Si c'était des acteurs qui étaient mis en concurrence de la même manière avec des acteurs roumains, ça poserait problème immédiatement. Donc dans ce pays, il y a peut-être des descendants, mais surtout il y a des dirigeants sans cran. Donc maintenant, François Hollande, par exemple, il a l'occasion de montrer sur le dernier fil que son adversaire, c'est la finance, qu'il peut faire des réquisitions, qu'il peut interdire les produits Whirlpool sur le territoire français, qu'il puisse sortir de l'impuissance et se bouger le cul. Je vous remercie. Un mois plus tôt, jour pour jour, le 24 janvier 2017, Whirlpool annonçait la fermeture prochaine de son usine en Picardie. Ce jour-là, la direction envoyait 286 salariés dans l'inconnu. Avec eux, plus de 400 intérimaires et de prestataires. Le groupe américain était-il malade? Non. 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 815 millions de bénéfices et des résultats toujours en hausse depuis 2014. Alors quoi? Eh bien à l'Est, en Pologne, un ouvrier qui débute touche 377 euros. La belle affaire. C'est donc en Pologne que les machines partiront. À Lodz, exactement. C'est la troisième ville du pays. Elle est en plein boom industriel. Dell, Gillette, Bosch, Siemens y sont déjà, tout comme Whirlpool. 2200 ouvriers travaillent pour le groupe américain sur les 5000 embauchés dans tout le pays. Cette équation, vous la connaissez, elle est devenue une règle. C'est comme un fond d'eux. Les usines n'auraient d'avenir qu'à l'Est. C'est comme ça, circulait. En janvier 2017, c'est la zone d'activité de Montières, à Amiens-Nord, qui est touchée. La préfecture de la Somme et sa banlieue sont un territoire dit en déclin. Entre 2008 et 2014, l'aire urbaine amiennoise a perdu 4200 emplois, dont 3000 dans l'industrie, soit une chute de 14% en 6 ans. Une catastrophe silencieuse qui touche les familles, les villes, les territoires. Dans tout le département, c'est la même chose. Depuis des années, les unes après les autres, à Haï-sur-Somme, Saleux, Flixcourt, Abbeville, les usines ferment leurs portes ou déménagent à l'Est. Seuls les ouvriers restent sur place. Comment pourraient-ils faire autrement? Ont-ils les moyens de partir à la recherche d'autres machines? Non. Ils sont ceux qui restent et qui n'ont plus rien. À Whirlpool, voilà des années que les équipes font comme neige au soleil. Créé en 1910, le site industriel est l'un des plus anciens de la ville. Il a eu plusieurs noms, plusieurs vies. Au début du siècle, on dit « ouvrier à la France », du nom de la maison au titre national. On y fabrique des machines agricoles. Il y a eu ensuite l'Aden, puis Philips et ses produits électroménagers. Les premiers lave-linges sortent dès 1961. Whirlpool prend la suite en 1989. On fabrique alors 400 000 machines par an. En 94, les sèches-linges sont transférés en Allemagne. C'est une délocalisation d'est en ouest, et c'est un autre temps. La production passe à 850 000 unités par an. À l'époque, travailler à Whirlpool, c'est la garantie d'une vie à l'horizon dégagé. On s'y fait des amis, on s'y marie, on en sort retraité. Et puis en 2002, tout s'assombrit. En avril, le 23, en pleine campagne présidentielle déjà, premier coup de tonnerre. Le groupe américain annonce le départ d'une partie de la production à Poprad, en Slovaquie. Ce qui se solde par 360 postes en moins sur les 860 qu'il y a sur l'usine. En 2005, ce sont 60 départs volontaires qui sont signés. En 2008, le groupe supprime 153 postes. D'autres salariés acceptent une réorganisation du travail, condition pour la sauvegarde de leur emploi. Oui, mais quel emploi ? Car l'addition est lourde. Passage de 32 à 35 heures, 14 jours de RTT en moins, gel des salaires pendant 7 ans. De toute façon, c'est ça ou le chômage, alors ? Alors, sauver les salariés de Whirlpool Amiens ? Ils le pensaient jusqu'à ce 24 janvier 2017. Sur le parking de l'usine, c'est l'incompréhension. Les gens pleuraient, je vois des tensions qui sont en train de monter. Bon, l'atmosphère dans l'usine n'est vraiment pas bon. Il y a quelque chose qui se passe, les gens, on dirait qu'ils ont perdu leur âme. C'est une usine qui est extrêmement flexible, avec une annualisation du temps de travail, avec des semaines qui vont de 0 à 48 heures. Donc on est une bonne usine. Ça va être très dur pendant 18 mois de venir tous les jours en sachant que on va au final dehors. Quoi. Le directeur nous promet un reclassement, recherche des repreneurs, mais bon, ça n'a pas fonctionné pour les autres budgets, ça fonctionnera pas pour nous. Malgré le choc, l'horloge, comme la chaîne, tourne toujours. La grève, les débrayages, ici c'est rare. Des banderoles sont posées, mais la lutte reste sage. Il faut se battre pour partir avec le plus gros chèque possible, même si à la fin, tous savent qu'il s'agira d'une défaite. Parmi les salariés de l'usine touchée, cet homme, interrogé par Julie Gacon pour l'émission Sur la route de France Culture. On est pris en tenaille, quoi. On sait pas sur quel pied danser. Ouais. Après, faire grève, ouais. Ouais. Après, c'est pour faire comme au goût dur, tout brûler, et puis, enfin, je sais pas si c'est la bonne solution non plus. Ouais. Il y a une certaine résignation ? Ouais, je pense. Moi, personnellement, ouais. Après, il faut se manifester quand même, on va pas non plus sauter de joie. Hein. On va tous se retrouver dehors, ou j'en sais rien. Parce que là, ils parlent de repreneurs, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Hein. C'est un peu du vent. Hein. Il n'y a rien de concret, quoi. Il y en a qui vont se retrouver à la porte quand même. Hein. Bon, moi, j'ai 55 ans, je sais pas où je vais aller, j'en sais rien. Pff. On est un peu dans le brouillard, hein. Tout ça. Dépité, triste, les salariés de Whirlpool traînent leur vague à l'âme et leurs angoisses. Leur colère aussi. On en a marre parce que nous, on a envie de bouger, on a envie de faire voir. Et ça nous casse les... Hein, de travailler comme ça. Parce que moi, j'ai donné mes bras pendant 25 ans pour me retrouver dehors, donc basta. Maintenant, c'est terminé. La production qu'on fait en ce moment, ils ne devraient même pas l'avoir. C'est une honte. Pour une usine qui va fermer, c'est une honte. La mobilisation s'organise d'abord de façon classique. AG, tracts et manifs, souvent le week-end. Ainsi, le samedi 4 février 2017, ils sont une centaine rassemblés sous la pluie devant la mairie. Quelques élus, quelques journalistes des médias locaux, mais au niveau national, pas grand-chose. Une usine qui ferme malgré les bénéfices, est-ce encore une info ? Durant ces dernières semaines du quinquennat de François Hollande, l'affaire est prise au sérieux dans les allées du pouvoir. Dès le 25 janvier, une réunion avec les élus de la Miennois est organisée chez le Premier ministre. Selon la formule de communiqué de la place Beauvau, le chef du gouvernement tient à affirmer que l'État sera aux côtés des salariés pour assurer un suivi très exigeant des engagements de l'entreprise. Bien. Sur le site, tout le monde espère. D'ailleurs, le 16 mars, Bernard Cazeneuve s'y rend afin d'officialiser plusieurs aides et projets. Caméras, visites, discours. Oui, et pour Liverpool, une délégation des salariés est reçue à la préfecture par les conseillers du Premier ministre. La lutte des salariés de l'usine d'Amiens est encore dans l'angle mort du pouvoir et des candidats. À la sortie de la rencontre, le représentant de la CFDT, Frédéric Chantrelle, indique aux journalistes et aux salariés qu'il n'a obtenu aucun engagement, juste une écoute. Merci. Mon sentiment, c'est au moins d'avoir été écouté, d'avoir dit nos revendications, et surtout de pointer du doigt la direction Whirlpool. L'État ne peut pas tout, avait dit en 1999 le chef du gouvernement Lionel Jospin à propos du conflit chez Michelin, révélant le tournant social-libéral des socialistes français. C'est à cette époque également qu'on s'est rendu compte que les bénéfices ne protégeaient pas forcément l'emploi. 20 ans plus tard, c'est la même histoire qui se rejoue à Amiens, la même question qu'on se pose. Que peut faire l'État face aux effets de la mondialisation ? Le 20 mars 2017, lors d'un débat entre les différents candidats à l'élection présidentielle, la situation de Whirlpool est évoquée une fois par un candidat. Une candidate en l'occurrence, Marine Le Pen. Sa solution, taxer la multinationale à 35% en frontière quand elle rapportera ses produits délocalisés. C'est comme ça. Quand une usine ferme durant une campagne électorale, les militants du Front National ne sont jamais loin. À Whirlpool, on les verra souvent tractés pour la candidate. On a essayé la gauche, on a essayé la droite, alors pourquoi pas elle, disent certains ouvriers en sortant de l'usine. Durant ce printemps 2017, si les candidats battent campagne, les Whirlpool, eux, poursuivent leur combat tout en continuant à travailler. À 12h55, comme chaque jour de la semaine, les ouvriers de l'équipe de l'après-midi se pressent pour passer le portique avant que ne retentisse la sonnerie. Il est pas présent, là. Bah, il va y être pas loin. Ici, c'est les deux nuits, deux équipes, l'une à 5h, l'autre à 13h. 7h15 de travail s'ensuivent, debout. Trois pauses de 5 minutes sont accordées. En 2016, 16 accidents du travail ont été recensés. 10% des employés présentent des troubles musculaires ou osseux, ou les deux. Parmi l'équipe de l'après-midi, voici Anne, 49 ans, dont 24 chez Whirlpool. 1 400 € net, deux enfants, aucune formation depuis 20 ans. Que fera-t-elle après la fermeture du site? Il y a aussi Corinne, qui est entrée ici à 19 ans, en 1994. Séparée, deux enfants, une babysitter s'occupe de sa dernière. Budget, 400 € par mois. Le gosse se couche tard, comme sa mère, parce que la vie de cette famille monoparentale est une incessante course après l'horloge, celle de l'usine, de l'école, de la babysitter, un stress permanent, usant. Le 4 avril 2017, une équipe d'envoyés spéciales est présente chez elle. À la télé, ce soir-là, on diffuse un nouveau grand débat dans le cadre de la présidentielle. Corinne écoute d'une oreille. Vous, vous en attendez quelque chose de cette campagne ? Bah, pas grand-chose, non. Nous, ça change rien pour nous, de toute façon. Il faut bien faire des dépenses, monsieur Fillon, pour... Il y en a qu'une qui a dit que la délocalisation... Sinon, personne n'en parle. Puisque vous en avez supprimé 12 000... Personne ne parle de votre cas. Pas forcément de notre cas, mais de la délocalisation en général. Voilà, tout le monde trouve ça normal dans les politiciens. Macron, qui est de la région, il n'a même pas relevé. Ça vous a touché, vous ? Bah, qui ne relève pas. Il est fier de dire qu'il est d'Amiens, que c'est un Amiennois. Et quand sa ville est touchée, il ne se sent pas concerné. Donc, il pourrait se sentir concerné... Quand il sera président, il sera concerné avec quoi ? Avec rien ? Si déjà sa propre ville, ça ne le concerne pas. Emmanuel Macron, en tête des sondages, est né ici, effectivement. Fils de médecin, collège et lycée dans le privé à la Providence. Bac en poche, il prend la direction de Paris. Henri IV, Sciences Po, ENA, tire ses gagnants. Parmi les élèves de la Providence, à la même époque, une autre future célébrité de la ville y étudie, François Ruffin. Lui est resté à Amiens. fac, école de journalisme, France Inter, autre tiers est gagnant. Sa ville, il ne l'a jamais vraiment quittée d'ailleurs. Il y fonde un journal, Fakir. En 2017, il se lance également en campagne pour devenir député. Et Whirlpool devient l'un de ses sujets. Il rencontre les salariés, étudie les dossiers, popularise leur lutte. Le 6 avril, invité de l'émission politique de France 2, Ruffin interroge le candidat Macron sur l'avenir de l'usine Whirlpool dans cette ville où ils ont tous les deux grandi. Ma question, c'est que quand il y a une agression, le rôle de la puissance publique, c'est de se placer entre le fort et le faible. Là, on a affaire à une agression économique et par votre silence, par votre absence, il y a une complicité. Et finalement, de mon point de vue, vous choisissez votre camp. Donc ma question, c'est plutôt, serait plutôt pour convenir d'un rendez-vous avec les salariés de chez Whirlpool et pour que vous puissiez venir nous dire si vous rétablissez l'autorisation administrative de licenciement, si vous voulez interdire les produits Whirlpool du territoire français, ou encore si vous aspirez à exproprier l'entreprise. Je considère qu'une campagne présidentielle, c'est pas pour faire des propos d'estrade avec des promesses qu'on sait pas tenir. Donc je ne le fais pas pour Whirlpool. Je ne me suis pas saisi des cas en cours, des cas chauds de restructuration, parce que c'est de la démago complète. Je vais vous parler franchement. Mon silence, c'est un refus de manipuler des situations. C'est trop facile. C'est trop facile. Parce que je vais faire quoi? Je vais aller sur un camion et je vais aller dire avec moi ça fermera pas. Et on sait que c'est pas vrai. Le candidat Emmanuel Macron se méfie de ces usines à l'agonie en pleine campagne électorale. En 2012, le passage de François Hollande à Florange avait été l'un des tournants de la campagne. Et là-bas, personne n'a oublié les promesses évoquées debout sur un camion. Pendant 5 ans, l'avenir des hauts fourneaux pèse sur le quinquennat et les pas du président socialiste. Conseiller, puis ministre, Emmanuel Macron connaît le poids des promesses électorales. Alors, avant le premier tour, eh bien, il préfère se tenir à distance de Whirlpool. Face au silence de la majorité des candidats, le 18 avril, lors de la dernière semaine de campagne avant le premier tour, plus de 150 salariés montent à Paris avec la ferme intention de percer le mur médiatique. Premier arrêt, La Défense, en bas de la tour du même nom, où se trouve le siège français du groupe américain. Une délégation est reçue. Rien de concret n'en ressort, selon les syndicats. Seconde étape, le Champ de Mars, où les candidats à la présidentielle ont été conviés. Seule Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière a fait le déplacement. Emmanuel Macron a préféré Rungis, puis une usine du groupe ThyssenKrupp. Marine Le Pen, elle, écume les plateaux de télé et de radio, RTL le matin, TF1 le soir. 5 jours plus tard, lors du premier tour de l'élection, le candidat En Marche est en tête, à Amiens. Mais sur l'ensemble du département de la Somme, Marine Le Pen gagne la première manche avec 30% contre 19% pour le natif du coin. Jean-Luc Mélenchon, lui, arrive troisième avec 17,7%. Le lendemain du vote, les salariés Whirlpool se mettent en grève. Ils ont 2 semaines pour faire de leur lutte le théâtre de la bataille d'entre-deux-tours de cette présidentielle 2017. Je me lève pendant la nuit pour voir le soleil briller. Mes enfants écoutent Booba, ils ont le droit. Y'en a qui n'aiment pas les Smiths, d'autres qui n'aiment pas la police. Faut de tout pour faire un monde, c'est politique. C'est politique. Il y a du soleil. sensible, Fabrice Drouel. Il y a des jours, une présidentielle peut basculer. C'est même souvent le cas. En 2017, c'est le 26 avril qui joue ce rôle. Alors qu'Emmanuel Macron rencontre les représentants des salariés de Whirlpool à la chambre de commerce d'Amiens, ce jour-là, Marine Le Pen arrive à la surprise générale sur le parking de l'usine Picard. Il est 12h55. C'est un message pour vous ? Évidemment que c'est un message. Évidemment que c'est un message, je l'assume. Moi, je viens voir, encore une fois, les ouvriers, ceux qui sont les victimes de la politique économique de M. Macron. Lui, il rencontre deux, trois personnes triées sur le volet dans un salon bien protégé de la chambre de commerce. Mes amis, j'ai tout planté à Paris pour venir pour faire ce salut fraternel, l'expression de mon soutien total dans le combat que vous menez contre cette politique économique déplorable menée par nos dirigeants. Tenez bon, vous êtes la fierté de tous ceux qui, en France, non seulement bossent, mais tous ceux aussi qui ont plus de boulot à cause de cette politique économique. Merci, au revoir. Tout a été préparé minutieusement par les militants fontistes. Tracts, croissants, militants sur place. Une opération communication menée en bourbattant dont les chaînes d'infos se délectent. La candidate ne reste que quelques minutes. La télé rallongera le temps multidiffusant les images. Profondeur de champ, classique en campagne. Ainsi ce jour-là, Amiens devient la scène d'une lutte d'images. D'un côté, un candidat discutant à distance avec des représentants syndicaux. De l'autre, une candidate au milieu des salariés, multipliant les selfies. Macron lointain, Marine Le Pen bras dessous avec les grévistes. Ça peut marcher. Alors, Emmanuel Macron change ses plans et décide de rejoindre l'arène. À 15h10, il arrive. Accueil rigueux, pneus en feu, concert de sifflets. Le candidat est arrivé accompagné de gardes du corps, mais surtout de journalistes. Alors une marée de micros et de caméras le sépare des salariés, ça tangue. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais on est là, moi, je suis là. Alors, mettez-vous d'un côté. Le candidat est sauvé par les syndicats qui lui proposent une discussion derrière les grilles, sans journalistes. Et pendant une heure, le dialogue tant espéré s'installe. Bon, sur le cas ici de Whirlpool, à quoi je peux m'engager de manière raisonnable, de manière efficace, et qu'est-ce qu'on peut construire pour l'avenir? C'est ça ce que je suis venu vous dire. Demain, vous êtes président, vous voulez faire quoi? Premier point, il n'y aura aucune homologation d'un PSE qui n'est pas à la hauteur. Aucune homologation. Ça, c'est dans la main de l'État. Il n'y en aura pas. La deuxième chose, c'est un repreneur. Et je le dis pour vos collègues qui sont chez les sous-traitants. Et donc, attendez, je finis juste et puis je vous prends toutes les questions que vous voulez. Sur ce volet-là, mais on ira au bout d'un dossier de recherche de repreneurs avec le dossier qui est un vrai dossier industriel qui reprend le plus d'emplois et de manière pérenne. Pérenne. Et c'est ce sur quoi je peux m'engager. Ce ne sont pas des promesses en l'air, ce ne sont pas des choses mirifiques, je sais qu'il y en a qui veulent plus, je ne peux pas le faire. Toute la séquence est diffusée sur la page Facebook du candidat. Deux nouvelles images effacent celles du matin. Le piège est évité. Le 5 mai, les salariés arrêtent leur grève. Le 7, Emmanuel Macron est élu président de la République. Dans la Somme, chez lui, il récolte 54% contre un peu moins de 46% pour Marine Le Pen. Dès le 20 juin, des offres de reprise de l'usine sont présentées. Une quinzaine sont sur la table, dont celle de l'industriel Nicolas Decailleux. Un gars du coin, lui aussi président du MEDEF dans la Somme, numéro 1 européen de la boîte aux lettres. Le 12 septembre, Whirlpool signe un accord avec son entreprise WN. 277 créations de postes sont envisagées d'ici l'année 2018. Que vont-ils produire? Des quasi-intelligents réfrigérés pour les drives des supermarchés. Le site doit également accueillir un projet de production collaboratif. L'idée est d'ouvrir les chaînes de fabrication et les services de WN à diverses entreprises. Location des machines et des ouvriers compris. En octobre 2017, Emmanuel Macron est de retour à Amiens afin de soutenir l'initiative et de montrer qu'il suit le dossier. Devant les caméras, le ton entre les salariés et le président est cordial. Le moral est bon, demande le chef de l'État. Bah, les meilleurs, on va les dire. Les meilleurs qu'il y a 4 mois, quand même. Hein. Ouais. Bonjour, madame. On a fait un petit bout de parcours. Ouais. C'est pas trop compliqué. Non, c'est sans déconner. Un peu de sourire dans l'atelier, là, tout le monde. Un peu de sourire. 7 mois plus tard, comme prévu, en mai 2018 donc, les machines Whirlpool s'en vont à Lodz. WN prend la suite. 10 millions d'euros sont débloqués, un quart vient de l'État et de la région, trois quarts de l'ancien groupe. 162 salariés sont repris. Les autres et les intérimaires devront attendre ou chercher ailleurs. Durant des mois, les caméras et les micros s'éloignent du site. Pourtant, quelque chose cloche à l'intérieur de l'entreprise. Il n'y a aucun bruit. Et pour cause, les carnets de commandes sont vides. Il n'y a rien à faire. Alors, les salariés jardinent, jouent aux cartes. À l'automne 2018, les syndicalistes alertent le ministère du Travail. Paris reste confiant, à tort. Car au printemps 2019, tout s'accélère. Les premiers articles sortent, les premières questions suivent. Mais enfin, qu'a produit l'usine depuis la reprise ? Nicolas Decailleux se défend d'un retard à l'allumage, sauf qu'en mai, le préfet de la Somme demande un rapport sur l'activité. Trop tard, le mal est fait. Le 3 juin, l'usine est placée en redressement judiciaire. Le 25 juillet, un nouvel audit révèle 179 000 euros de dépenses injustifiées. Que sont devenues les aides de l'État ? Et de la région, qui sont les vainqueurs et les vaincus de cette reprise? Était-elle une opération frauduleuse? Le 30 juillet, WN est liquidé. Deuxième lettre de licenciement en 2 ans pour les salariés. Dégoûté. On est dégoûté. On a mis en avant Monsieur Decailleux, le repreneur miracle, le repreneur qui sauve les emplois. Non. Tout ça, c'était fictif, c'était mensonge. Regardez, on en est tout juste un an après. Et là, il met 160 personnes à la rue. Oui. Mois d'août, on en reçoit notre lettre de licenciement, c'est honteux. Et en plus, c'est même pas fichu de venir nous voir pour nous dire quelques mots. Et ça recommence. Liquidation, reprise. Le nom du nouvel élu, AGK Agencement. 44 salariés sont repêchés, 138 autres restent sur le carreau. Le dossier est-il plus solide ? La préfecture, comme le ministère, promettent de surveiller l'activité de l'entreprise ainsi que l'utilisation des aides. Le 22 novembre 2019, Emmanuel Macron est de retour. Devant la colère des salariés, le chef de l'État tient tête. Je suis là devant vous, ce qui m'intéresse, c'est qu'on dise tous la vérité entre nous et qu'on regarde comment bâtir l'avenir. D'accord ? Parce que des vérités qui ont été dites, monsieur le Président, c'est pas ce qu'il y a sur le terrain. Je viens au printemps 17. Ouais. Il y en a d'autres qui vous disent, Whirlpool ne fermera pas avec moi. Est-ce que moi je vous ai tenu ce langage ? Non. Ça a fermé quand même. Non, mais j'ai dit que ça fermerait. Je vous l'ai dit, les yeux dans les yeux. Oui. Vous étiez là, vous en souvenez. Avec de l'emploi sur le site. Je vous ai dit, l'engagement que je prends, c'est que l'ensemble des salariés de Whirlpool retrouve des perspectives et des emplois. Et on va se battre pour ça. Ouais. Donc je n'ai... Attendez. On est en 2020. Le temps passe, on vieillit. Je n'ai, mais moi aussi, ne vous inquiétez pas, et le combat n'est pas fini. Ouais. Moi, je regrette, c'est d'avoir mis ma signature du syndicat sur cette reprise. Mais attendez. Tous les jours, je m'en mords les doigts d'avoir mis cette signature. Tous les jours. C'est trop facile de regretter. Trois ans après la campagne, 2 ans après la fermeture du site, que sont devenus les salariés de l'usine Whirlpool ? Combien sont-ils encore sans emploi, malgré les formations, les aides, les promesses ? Et puis, que diront les prochains candidats à l'élection présidentielle à ces vaincus de la mondialisation ? Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. Le vieux monde sent la poussière. Dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Cours, camarade, redis-nous ton beau discours sur ton estrade, le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle. Quelques décades, et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Pour camarade, comme tu en crèves avec lui, t'as des bandades comme on en crève aujourd'hui. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le conflit chez Whirlpool. Notre invité, Fiodor Rylov. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat des ex-salariés de Whirlpool. Comme nous l'avons vu dans cette histoire, il y a plusieurs temps, plusieurs chapitres. Le temps des annonces, celui de la délocalisation et de la promesse de reprise. Puis le temps de la reprise et de son échec. Nous y reviendrons bien sûr. Et au total, ça fait une catastrophe. Ouais. Voilà, ça fait une équation. Ça plus ça égale catastrophe. Ouais. Aujourd'hui, où en sommes-nous aujourd'hui? Bah écoutez, là, au moment où nous parlons, je travaille avec un certain nombre de membres de mon équipe à décortiquer ce que les documents que nous avons enfin réussi à obtenir de la part de Whirlpool nous révèlent sur les conditions dans lesquelles l'usine dont vous avez parlé, l'usine Whirlpool à Amiens, a été vendu par cette multinationale américaine à un prétendu repreneur qui n'avait aucun projet en réalité. Et évidemment, cette information, les salariés n'en disposaient pas au départ, mais au fur et à mesure, comme vous l'avez souligné, leur inactivité sur le site leur a fait se poser des questions. Ils ont commencé aussi à poser des questions aux interlocuteurs. Qu'ils avaient, les autorités locales, etc., Whirlpool, bien sûr, et puis Monsieur de Cailleux, ils ne recevaient évidemment aucune réponse. Et ce que nous craignons avec l'ensemble des salariés, à savoir que cette opération allait se finir par une totale déconfiture et un licenciement de la totalité du personnel aux frais de la collectivité, oui, parce que les indemnités, il n'y a pas seulement les aides publiques qui ont été absolument avalées par cette catastrophe sans donner lieu à la moindre relance d'une activité productive, mais au moment du licenciement des salariés, leurs indemnités de licenciement ont été payées par la collectivité. C'est une assurance qui est un organisme social qu'on appelle l'AGS, qui a pris en charge la totalité du financement du plan social. Donc c'est grave. C'est extrêmement grave. Et donc, pour revenir à votre question, nous avons aujourd'hui réussi à obtenir un certain nombre de pièces, de documents. Ça n'a pas été facile. J'imagine. Croyez-moi, ça n'a pas été facile. Ça fait 2 ans, en réalité, qu'avec les salariés, nous essayons d'obtenir une pièce absolument fondamentale, qui est le contrat de vente de cette usine, entre Whirlpool et WL. Enfin, contrat de vente. contrat de vente un peu particulier, parce que figurez-vous que c'est l'acheteur, d'accord, qui reçoit de l'argent. Tiens, mais, donc, expliquez-moi ça. C'est un contrat de vente dans lequel le vendeur paye l'acheteur. C'est quand même assez incroyable. Eh ben oui, vous avez dans ce contrat plusieurs clauses qui prévoient que l'achat de l'usine coûte 1 euro, donc l'acheteur va payer 1 euro, et le vendeur va donner à cet acheteur WN près de 7 millions d'euros. C'est une bonne opération quand même, hein, un contrat de vente comme ça, où en tant qu'acheteur vous recevez de l'argent et pas un peu d'argent de la part du vendeur. Bah, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sauteraient sur l'occasion. En tout cas, des gens que nous estimons être des fraudeurs. Hein. Nous avons engagé un certain nombre de procédures judiciaires pour dénoncer cette opération comme étant une fraude. Mais je reviens à l'information qui me semble la plus intéressante et surtout qui vient révéler au grand jour ce que nous soupçonnions. Une information que nous trouvons dans ce contrat de vente. Il y a en annexe de ce contrat le prétendu plan de relance de cette usine par WN. Ouais. Je vous rappelle que ce contrat, il a été signé en mai 2017. Mmh. D'accord ? Donc, on est vraiment au tout début de l'histoire, hein, dès le début. Hein. Eh bien, dans cette annexe au contrat signé en mai 2017... Le 5 mai, c'est ça ? Exactement. Hein, deux jours avant l'annexe. Absolument, vous avez tout à fait raison, c'est le 5 mai. Ouais. Dans cette annexe, vous avez le plan que le repreneur expose à Whirlpool pour la relance de l'activité. Vous savez combien de pages il contient, ce plan ? Ben non, forcément, dites-le. Il y a 6 pages. Et vous savez ce qu'il y a dans ces 6 pages ? Il y a 6 photos. Si on compte le nombre de mots, à mon avis, on est à peine à 150 mots pour exposer le projet. C'est-à-dire que ce que vous avez expliqué tout à l'heure dans votre présentation sur ce que M. Decailleux prétendait faire est bien plus long que ce que M. Decailleux disait lui-même vouloir faire dans le contrat de cession de l'usine. C'est-à-dire que dès le départ, cher monsieur, dès le départ, tout le monde savait que c'était bidon. En tout cas, j'en suis convaincu, et avec ces éléments, nous allons pouvoir en faire la démonstration. D'accord. Et en tout cas, nous, on s'intéresse juste au fait, effectivement, il n'y a rien à faire. On raconte, il n'y a pas d'activité. Mais oui, mais comment voulez-vous qu'il y ait une activité avec un projet pareil ? Enfin, un projet. Okay. Si on dit un projet avec une véritable ambition de ne rien faire et surtout de préparer une liquidation qui, pour nous, est programmée pour que les licenciements aient lieu non pas dans le périmètre de Whirlpool, donc à l'extérieur du périmètre de Whirlpool, et que ces licenciements soient financés non pas par Whirlpool, et encore moins par M. Decailleux, mais par la collectivité, c'est-à-dire en réalité par les salariés licenciés eux-mêmes. Bien, si je puis dire. Alors, si cette affaire nous... Enfin, cette affaire peut choquer, choque, c'est parce qu'on a une entreprise, au début, je repars au début, une entreprise qui fait des bénéfices et qui licencie. Il me semble avoir entendu parler en France d'un projet contre les licenciements préventifs. Alors je sais qu'il y a une jurisprudence de 1995 de la Cour de cassation qui disait, dans son arrêt, stipulait que les entreprises peuvent licencier pour sauvegarder leur compétitivité, mais pas pour l'améliorer. Important, quel est l'arsenal juridique en France par rapport aux licenciements préventifs ? C'est Monsieur Macron... porte une lourde responsabilité dans cette catastrophe Whirlpool WN. D'abord, il a changé la loi sur le licenciement économique dès qu'il est arrivé au pouvoir. Et son ambition était manifestement de faire, évidemment sans le dire aux salariés, hein, auxquels il tenait un discours très différent, son ambition était manifestement de faire du licenciement à venir des salariés de Whirlpool dans le cadre de WN, hein, ce licenciement qui pour nous était totalement prévisible, un laboratoire de l'application de sa réforme qui modifie le principe que vous avez évoqué tout à l'heure. Parce que qu'est-ce qu'il a changé fondamentalement dans le Code du Travail ? Il a changé beaucoup de choses, mais il y a quand même un axe qui est absolument, un point de basculement, quoi. Il va introduire dans le Code du Travail un article qui dit « Quand un groupe fait des bénéfices gigantesques, comme c'est le cas pour Whirlpool, vous avez dit un peu moins d'un milliard, en vérité c'est presque 1,5 milliard hein, de profit. Quand un groupe fait des profits énormes, alors il peut licencier les salariés en France, à condition qu'il ait pris soin d'organiser dans ces entités françaises une situation économique qui laisserait paraître que la compétitivité, oui, c'est le terme que vous avez utilisé, voilà, qu'on continue à utiliser dans la loi, à condition de laisser paraître dans les seules unités françaises une prétendue dégradation de la compétitivité. Donc vous avez un groupe qui fait près de 1,5 milliard de profit net après impôt à l'échelle du monde. Mais qui a le droit de se considérer comme pas assez compétitif, c'est ça ? Non mais écoutez-moi bien. Et qui va délocaliser son activité française en Pologne. Mmh. Alors quand un groupe délocalise son activité jusque-là réalisée en France en Pologne, l'entité française ne va plus réaliser de chiffre d'affaires. Bien sûr. Donc, ne va plus réaliser de bénéfices. Et alors tout d'un coup, l'entité française va évidemment ne plus pouvoir afficher de profit dans ses comptes. Et miracle, tour de passe-passe macronien, comme on commence à en avoir l'habitude, les salariés français vont se retrouver licenciés avec sur leur lettre de licenciement une justification qui, tout d'un coup, match avec ce qui est prévu dans le Code du travail. Alors qu'ils ont évidemment, pendant des décennies, contribué au profit absolument pharaonique que le groupe a réalisé et continue à réaliser pendant qu'ils perdent leur emploi. Ça, c'est l'œuvre de M. Macron. Et en même temps, M. Macron vient raconter aux salariés qu'il prend un engagement candidat, que lorsqu'il sera président de la République, il va tout mettre en œuvre pour sauver les emplois qu'ils sont en train de perdre à cause de lui. Et je voudrais juste revenir sur un point qui est vraiment crucial. Rapidement, parce que ça tombe vite, vous savez. Très vite. En écoutant votre reportage tout à l'heure, vous avez diffusé les paroles de M. Macron. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement choquant. Il dit, son principal engagement envers les salariés, au moment où il intervient là, entre les deux tours, sur le site de l'usine. Il dit, je m'engage à ce que je fasse moi-même la recherche d'un repreneur avec un projet industriel sérieux permettant de garantir, de sécuriser les emplois. Vous avez vu le contrat dont je parlais tout à l'heure ? Vous avez vu le plan dont je parlais tout à l'heure ? Et tout ça a été porté à la connaissance de M. Macron. Oui. Il a validé ça, il est même revenu sur le site de Amiens dire aux salariés qu'il avait réalisé une formidable opération en leur trouvant M. De Caillou et WN comme repreneur. Il a fait tout ça en sachant que c'était bidon. Alors, raison de plus pour prendre des nouvelles de ces salariés, de ces ouvriers virés. Avec vous, Sophie Hoffmann. Je vous présente Sophie Hoffmann. Bonjour. Reporter pour Affaires Sensibles. Sophie, vous avez rencontré Corinne. Alors Corinne, on l'a entendu dans le récit au moment des faits. Donc vous l'avez vu 2 ans après. Entrée en intérim en 1992. Corinne signe son CDI en 96 et entre dans la famille Whirlpool qui compte alors 1200 salariés. Aujourd'hui, elle a 47 ans et évidemment, quand elle évoque sa sortie de l'usine, elle n'a pas le cœur à rire. Moi, j'ai toujours dit, qu'est-ce que j'aimerais être payé à rien faire. Ben, quand ça vous arrive, je peux vous dire que c'est pas marrant du tout. Après la fermeture de l'usine Whirlpool, Corinne décide de faire confiance au repreneur, Sophie Essine chez WN. Mais les désillusions ne se font pas attendre. Du 1er juin au 31 juin, les espaces verts. On a vu le bon côté de la chose, on s'est dit, en air d'été, il fait bon. Donc, on a fait. Après, on est parti en vacances et puis on nous avait dit, vous inquiétez pas, quand vous allez revenir de vacances, on va être débordé de travail. On revient de vacances et toujours au même stade. Donc, on arrivait, on se mettait en salle de pause et puis on attendait que la journée se passe. On allait à l'usine pour faire acte de présence. Corinne et ses collègues se rendent vite compte que ça ne fonctionne pas, mais du côté de la direction, aucune communication claire. On ne disait jamais les choses franchement. Quand on allait en réunion et si quelqu'un osait dire quelque chose, bon, écoutez, si ça va pas, j'arrête. Moi, je m'en fous, je peux arrêter. C'était toujours des menaces et puis c'est même arrivé à ce qu'on nous dise. Donc, il y avait Monsieur De Caillou et son bras droit, Madame Dalla Santa, qui nous a dit, de toute façon, nous, on peut arrêter, on aura du travail, on a des diplômes, vous en avez pas. Puis en plus, vous êtes plus tout jeune, Ah oui, on nous a bien fait comprendre qu'on était bêtes, qu'on était sans diplôme et qu'on trouverait pas de boulot, mais qu'ils en trouveraient. Mais c'était du départ, ça a été comme ça. On nous rabaissait tout le temps. Une semaine avant qu'ils se mettent en redressement judiciaire, tout va bien, qu'ils nous disent en réunion. Ah oui, non, mais une souris dans la bouche, la queue qui dépasse, il nous disait que c'était pas vrai, quoi. Alors, pour occuper les salariés, la direction de WN invente des formations aux intitulés élaborés, comme « Optimiser sa communication » ou « Bien vivre le changement ». On l'avait surnommé la formation chapeau, parce que c'était avec des chapeaux de couleur par rapport à notre humeur. Ah oui, on a même été sur la Lune avec. On faisait un voyage dans la Lune. Excusez-moi d'en rire, on est obligé, quoi. On a eu la formation spaghetti aussi, où avec des spaghettis, spaghettis et ficelles, et puis du scotch, on devait faire une tour la plus haute possible. Ah oui, oui, oui. Et en plus, c'était des formations obligatoires. Ah oui, non, mais c'est hallucinant, ouais. Quand WN ferme, Corinne se sent soulagée de savoir enfin clairement ce qu'il en est. Aujourd'hui, Corinne est au chômage. Enfin, non, pas vraiment. Je suis stagiaire de l'État aujourd'hui. C'est pas l'emploi qui me paye, mais je suis stagiaire de l'État pendant un an du fait que je suis rentrée dans le CSP. Contrat de sécurisation professionnelle. Je vous le dis parce que c'est ce qu'on m'a dit. Quand j'ai dit je suis chômeuse, on m'a dit non, non, madame. Vous êtes stagiaire de l'État. Pendant un an, on a un suivi spécifique avec Pôle emploi. Bon, Corinne voit donc Sophie le même conseiller chaque mois pour faire le point. Oui, et c'est avec lui qu'elle a envisagé une reconversion dans le toilettage canin, par amour pour les animaux et parce que eux ne mentent pas. Ainsi, Corinne espère passer à autre chose et elle formule ce souhait pour son prochain emploi. Ben, qu'il dure celui-là. Et que je puisse en vivre surtout. Que je me sente bien déjà dans mon travail. De toute façon, un travail qui paye, maintenant vous en avez plus. Malheureusement, tous c'est au SMIC. Donc tant qu'à faire, choisir un qui vous plaît de travail. Quand vous y allez le cœur léger, c'est quand même plus simple. Voilà, reportage de Sophie Hoffmann. Qu'est-ce que ça vous inspire, Fyodor Rylov, ce que vous venez d'entendre? T'as Corinne, je la connais bien. Oui, j'imagine. C'est une sacrée bagarreuse. comme tous les salariés, en réalité, sur ce site. Parce que vous disiez que, bon, ils avaient, en apparence, voulu prouver leur sens de la responsabilité, leur capacité à accompagner le mouvement. Et oui, effectivement, ils ont voulu y croire jusqu'au bout pour une raison simple. C'est que pendant qu'ils n'avaient aucune activité, pendant qu'il n'y avait pas de production, pendant que moi je leur disais, parce qu'on se réunissait, j'étais déjà l'avocat d'un grand nombre d'entre eux, mais franchement, il faut qu'on commence à dénoncer ce qui est en train de se passer. Il faut absolument que vous disiez publiquement que vous n'avez rien à faire et que tout ça ressemble de plus en plus à une farce. Il me répondait, mais attendez, il y a le président de la République, il y a Monsieur Macron, qui est venu, pendant la campagne de l'élection présidentielle, nous promettre qu'il allait trouver un repreneur en vérifiant la crédibilité du projet industriel. Il est revenu, une fois élu président de la République, nous expliquer, aux côtés de ce repreneur, qu'il était extrêmement confiant dans la réussite de ce miracle que Monsieur Macron voulait prendre à son compte. Et donc il me disait, avec ça, est-ce qu'on peut vraiment, aujourd'hui, nous, baisser pavillon et dire qu'il n'y a pas de projet, que le repreneur est bidon, alors que les plus hautes autorités de l'État continuent à expliquer qu'on verra bien ce qu'on verra, un formidable projet de relance d'une production et de création d'emplois pérennes va surgir. Vous voyez, et en réalité, ils ont gardé le silence pendant très longtemps parce que M. Macron, faut quand même le dire, c'est lui principalement, il a pris ça sur ses épaules personnelles, leur a garanti qu'ils allaient voir enfin le miracle surgir. Bon, il y a un moment, ils ont quand même compris. Hein, surtout lorsque les autorités, y compris locales, ont commencé à perdre leur sang-froid, à voir que la liquidation était toute proche et que tout le monde allait être licencié. Et donc là, pour le coup, ils ont convoqué un auditeur qui est venu, allez, même pas 24 heures, regarder si pour toutes les dépenses, il y avait une facture. Hein, voilà, c'est tout ce qu'il a fait en vérité. Donc et oui, il y a eu tout d'un coup une agitation comme ça pour faire croire encore aux salariés, pour les rouler encore une fois dans une farine. Enfin, franchement, on a cherché une énième fois à les rouler dans la farine. Ça n'a pas fonctionné cette fois. Et ils se sont évidemment mis en colère et on a lancé enfin toutes les procédures qui commencent à porter leurs fruits parce que je voulais déjà souligner, on a des pièces maintenant pour faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant que vous avez toutes les pièces pour faire la lumière? Quel scénario on peut imaginer? Je sais bien que, il y a l'avenir, c'est très important. Mais oui. Voilà, on a entendu Corinne, elle est dans une situation extrêmement difficile, mais enfin, c'est pas une surprise pour elle, c'est pas une surprise pour qui que ce soit dans ce bassin d'emploi qui est sinistré. Mais vous savez, pour les salariés, L'histoire n'est pas terminée, hein. C'est pas parce qu'ils ont perdu leur boulot et qu'ils sont dans une véritable catastrophe sociale qu'ils ont renoncé à faire porter la responsabilité de cette catastrophe ceux qui ont tout orchestré, qui ont été les auteurs de ce qu'on leur a infligé. Et y compris, il y a le président de la République là-dedans. Il va falloir qu'il rende des comptes. Enfin, il est quand même venu se montrer à chaque fois que ça allait bien. Non, non, mais je veux dire, vous voyez, c'est pas simplement parce que c'est le président de la République, c'est parce qu'il joue ici un rôle absolument crucial, avec évidemment Whirlpool à ses côtés. Il y a quand même là une alliance, pas seulement objective, subjective, évidente désormais, entre la multinationale qui a pu se débarrasser de ses salariés en dehors de son périmètre visible, voilà, en confiant ses salariés à un repreneur dont la mission était, nous en sommes convaincus, nous allons le démontrer, de liquider la structure et non pas de relancer la production et de licencier tout le monde aux frais de l'État. Voilà, ça c'était le but de Whirlpool. Et pour arriver à atteindre cet objectif, bah, son meilleur allié, ça a été M. Macron. Et donc les salariés, ils veulent quoi? Ils veulent que la lumière soit faite et que les responsables soient condamnés. C'est vraiment pour eux aujourd'hui un objectif extrêmement important. Et je pense que n'importe qui d'autre qui serait dans leur situation souhaiterait que justice soit faite. Et aujourd'hui, là, parmi tous ceux qui sont restés sur le carreau, la formule est un peu guerrière, mais, c'est énorme, mais la situation est brutale. Hein. On laisse des gens sur le carreau. Faut dire ce qui est... Combien ont retrouvé, vous savez, combien ont retrouvé du travail ou quelle est leur vie maintenant? Vous savez, la quasi-totalité d'entre eux n'a pas retrouvé de travail. Mm-hmm. Voilà. La quasi-totalité d'entre eux va au mieux... Faire des stages, comme Corinne. Exactement. Faire des stages ou de temps en temps a accès à un emploi ultra précaire ou fait de l'intérim. Voilà. Mais, bon, tout le monde savait qu'ils allaient se retrouver sans aucun... qu'une perspective de retour à l'emploi à partir du moment où ils perdaient leur travail à l'intérieur de l'usine Whirlpool. Enfin, ça, c'est même pour eux, il n'y avait aucun mystère à cet égard. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle... C'est vrai qu'il y a des gens depuis 50 ans. C'est la raison pour laquelle... Difficile de retrouver un travail. En étant condamné ainsi à un non-avenir professionnel par une multinationale qui, quand même, au demeurant, a détruit leur usine et a supprimé leur emploi. C'est quand même voilà, le point de départ de cette affaire. Par une multinationale qui, simultanément, lorsque les lettres de licenciement sont parties, faisait 1,5 milliard de dollars de profit net. Oui, bien sûr. Ça, cette contradiction absolument insupportable, ils veulent la dénoncer. Ils pensent qu'ils ont même eux-mêmes une responsabilité aujourd'hui. Enfin, la bataille des Whirlpool est tellement emblématique qu'ils doivent ils doivent à tous les salariés de ce pays de lancer ces actions, d'aller jusqu'au bout et de faire condamner les responsables en démontrant que voilà, ces manipulations où les multinationales avancent main dans la main avec les plus hautes autorités de l'État pour rouler dans la farine les salariés et les condamner à des situations économiques, sociales, familiales absolument insupportables, que ça, ce n'est plus acceptable et qu'il faut que des condamnations lourdes tombent, même si on ne changera évidemment pas l'économie capitaliste à coup de procès. Bon. Non, mais c'est oui, mais enfin, quand même. Bien sûr. Hein, allons-y quand même. Hein. Bien sûr, mais bon. Comment avez-vous travaillé avec ou à côté des syndicats pendant... Comment ça se passe comme un avocat et l'avocat des salariés? Il y a des syndicats qui sont là pour les défendre aussi, sur un autre terrain. Comment vous accordez tout ça? Comment on accorde tout ça? Et vous avez que 30 secondes. Merveilleusement bien. Là, dans la bataille des Whirlpool, toutes les organisations syndicales étaient exactement sur la même orientation, une orientation de combat. Ce sont des gens formidables. Voilà, on a entendu Fred tout à l'heure. Il y a Antonio de la CGT, François de la CGT, il y a plein d'autres que je ne vais pas tous citer. Ce sont des militants syndicaux extraordinaires, avec une ténacité et une intelligence extraordinaire aussi. Et vous savez, la visite de Monsieur Macron, la dernière là, la visite de Monsieur Macron, elle est la conséquence de l'intervention de tous les syndicalistes qui ont obligé Monsieur Macron à venir sur le site parce qu'il ne voulait évidemment pas venir répondre aux questions des salariés. Voilà. Donc, c'est le mot de la fin. C'est la mot de la fin. Mais franchement, vraiment, merci d'avoir organisé cette émission. Je pense que tous les salariés l'ont écouté et c'est une formidable mise en perspective de leur combat. Merci d'être venu en tout cas. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les Whirlpool, une émission que vous pouvez réécouter bien sûr en podcast sur franceinter.fr. À la technique aujourd'hui, il y avait Patrick Henry.